Septième partie. Les années Trump, 2017-2021. Chapitre 27. La CIA en état de siège. Quelques jours seulement après son élection, Donald Trump s'en prenait déjà à la CIA. Ces gars-là sont les mêmes qui disaient que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Il faut dire que lors d'une récente audition à huis clos au Congrès, des représentants de la CIA et d'autres agences de renseignement avaient expliqué que la Russie avait fait tout son possible pour soutenir le candidat Trump au détriment de Hillary Clinton. La rosserie de Trump traduisait sa profonde méfiance à l'égard des agences, qu'il était bien décidé à mettre au pas, attendant qu'elles fassent preuve à son égard d'une loyauté totale. La défiance ne fit qu'empirer avec la publication, le 6 janvier 2017, d'un rapport de l'Office of the Director of National Intelligence, ODNI, concluant à l'existence de preuves suffisantes pour confirmer l'ingérence russe dans la campagne présidentielle en faveur de Trump. Ce dernier répliqua sur Twitter : « Les agences de renseignement n'auraient jamais dû laisser sortir ces fake news. » Vivons-nous dans l'Allemagne nazie? On imagine l'ambiance crispée lorsque Trump rendit visite à la CIA le 21 janvier 2017. Le président fit pourtant patte de velours et affirma aux agents qu'il les aimait et surtout qu'il ne fallait pas croire ce que les médias colportaient à son sujet. Mais son discours trahit une totale méconnaissance des règles et de l'organisation du renseignement américain. On lui avait conseillé de rendre hommage aux agents morts en service, représentés par des étoiles sur le Wall of Honor derrière lui, mais il fut incapable d'en donner le chiffre correct. Quelques semaines plus tard, le 15 mai 2017, on apprenait que Trump, lors d'un entretien à la Maison-Blanche avec Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, lui avait livré des informations confidentielles provenant du Mossad. Au cours de la réunion, le président américain avait donné des détails sur les plans de l'État islamique visant à faire passer des explosifs à bord d'avions de ligne en les dissimulant dans des ordinateurs portables. Donald Trump avait partagé les renseignements d'origine israélienne en exposant les sources et méthodes, c'est-à-dire les aspects les plus sensibles des activités de renseignement que les agences de renseignement ne divulguent jamais. En outre, les Russes pouvaient facilement déterminer qu'elles provenaient d'Israël. Le journaliste israélien Ronan Bergman, spécialiste du Mossad, rapporta la fureur de ses sources au sein du renseignement israélien. Si vraiment Trump se mettait à distribuer leurs rapports confidentiels aux Russes pour faire le malin, alors Israël devrait faire attention à ce que l'on pouvait communiquer à la CIA pendant sa présidence. Sans surprise, Trump décida de nommer un loyaliste à la tête de l'agence. Son choix se porta sur Mike Pompeo, un membre du Tea Party, ex-avocat élu républicain à la Chambre des représentants. Il affirma aussitôt vouloir tailler dans les contraintes bureaucratiques qui empêchaient la CIA de mener des actions agressives. La posture combative ne pouvait que séduire Trump, qui, pendant la campagne présidentielle, s'était déclaré favorable à l'utilisation de la torture. Dans l'ensemble, Mike Pompeo se conforma à ce qu'on attendait de lui. Il se rendit régulièrement à la Maison-Blanche pour des briefings que Donald Trump appréciait. Et il donna une direction politique à son service. Il dénonça ainsi l'accord sur le nucléaire négocié avec Téhéran, alors que la CIA avait contribué à sa mise en œuvre. Il contrôla étroitement tous les rapports destinés au président et n'hésita pas à en censurer certains qui ne cadraient pas avec sa vision. Mieux valait ne pas contrarier le président avec des broutilles. Pompeo était bien conscient qu'il passait beaucoup plus de temps devant Fox News qu'à lire les rapports de l'agence. Toutefois, il est un dossier sur lequel Pompeo n'osa pas censurer les rapports de ses équipes, la Russie. Il est vrai que la quasi-totalité du Parti républicain refusait de suivre Trump dans sa lune de miel avec Poutine. Le consensus des services américains était que l'espionnage russe aux États-Unis était devenu de plus en plus sophistiqué. Washington avait minoré les opérations de renseignement russes dans les années 1990, estimant que les nombreux problèmes intérieurs de Moscou détournaient son attention de l'Amérique. Mais sous Vladimir Poutine, la Russie avait reconstruit son réseau d'espionnage aux États-Unis à un niveau sans précédent. Il était désormais courant de voir des diplomates russes se promener un peu partout aux États-Unis sans autorisation, comme c'est la règle pour circuler à plus de 80 km d'une ambassade ou d'un consulat. Ils semblaient se rendre partout où des câbles de fibre optique souterrains ont tendance à passer, et dresser une carte de l'infrastructure de télécommunication américaine, se préparant peut-être à une occasion de la perturber, explique un ancien de l'agence.